Bonjour, merci d'être fidèle à notre série L'Histoire en podcast. Et donc nous allons continuer sur ce chapitre concernant la grandeur et la décadence des Mérovingiens. Et là nous avions vu donc dans le précédent podcast que Clotaire II, excusez-moi, devenu roi de tout le Regnum Francorum en 613, à la mort de Thierry, roi d'Austrasie et de Burgondie, rencontre dès le début des difficultés pour se faire reconnaître comme le roi légitime de tous les Francs. C'est sa tragédie personnelle. La décrétation de 614 est une façon plus ou moins avouée de trouver, surtout auprès des grands et de l'Église d'Austrasie, un compromis acceptable pour obtenir cette reconnaissance tant espérée en échange de liberté et de privilèges. Même si certains historiens comparent cet édit royal à la Magna Carta, conclue par Jean sans Terre et ses barons anglais au début du XIIIe siècle, il n'a pas eu la même portée. L'édit n'a pas eu la même portée. On assiste plutôt à une décentralisation du pouvoir au profit de puissances locales, seigneurs, sièges épiscopaux, pays. Et cette décentralisation est évidemment à l'origine du féodalisme. Un esprit classique, édifié par l'exemple romain, verrait ces bouleversements comme une décadence, une décrépitude regrettable. Il faut être un esprit fort et entier pour ne pas se laisser emporter par ce marasme. Dans ce contexte, Dagobert a-t-il sauvé la fonction royale? Est-il bien celui que les Carolingiens ont présenté comme le dernier grand roi mérovingien, ou au contraire, inaugure-t-il bien avant son petit-fils Thierry III, le temps des rois fainéants? Dagobert, bon ou mauvais roi? Tel est le sujet de ce podcast. Alors, les témoignages qui décrivent Dagobert comme un mauvais roi sont nombreux. En effet, parce que nous allons parler un peu comme si nous étions en train de faire le procès post-mortem de Dagobert. A-t-il été de son vivant un bon roi? Et nous recueillons donc les témoignages auprès de ses proches. Le premier, qui peut s'exprimer d'ailleurs en sachant de quoi il parle, c'est son père, Clotaire II. Alors, Clotaire II avait pensé que pour être un bon roi, il faut montrer de la tempérance et de l'égalité d'humeur. Or, sur ce chapitre, Dagobert est épouvantable. Il méprise son père pour avoir trompé sa mère avec Silchide, qu'il épouse en 618 à la mort de Bertrude. Il prend en grippe la sœur de Silchide, Gomatrude, que Clotaire essaie de lui faire épouser pour espérer, en espérant par là acheter la paix avec son fils, en faisant de son fils son propre gendre. Eh bien, mal lui en prend, parce que le jour de son mariage, Dagobert lui reproche amèrement de lui avoir donné comme royaume en devenir, comme royaume, comme territoire pour s'entraîner à son métier de roi, une Austrasie, mais complètement rabotée de tous les côtés, puisqu'elle ne va que des Vosges aux Ardennes. Et il lui réclame un territoire plus grand. Et le conflit s'amplifie, devient de plus en plus venimeux, et ça se termine très mal. Et au bout d'un certain temps, on fait appel à 12 Francs qui tranchent, douze, comme les 12 apôtres, évidemment, qui tranchent le conflit, donc 12 nobles francs, parmi lesquels se trouve d'ailleurs le fameux Arnulf, qui deviendra ensuite l'évêque Saint-Arnoult de Metz. Mais ça se passe le jour de son mariage, devant des invités qui essaient de faire bonne figure. Enfin, on voit une guerre, une dissension père-fils absolument épouvantable, qui donne une très très mauvaise image de la famille royale. Et puis, le jour où, en effet, Dagobert devient roi d'Austrasie, c'est-à-dire à peu près en même temps que son mariage avec Gomatrude, en 628, eh bien, il se comporte comme un véritable roi, n'écoutant aucun des conseils de son père, qui espérait quand même vaguement exercer une espèce de tutelle, mais qui voit qu'en réalité son fils n'en fait qu'à sa tête. Et alors, Clotaire décide de reconquérir territorialement l'Austrasie. Mal lui en prend, puisque son fils, bien conseillé d'ailleurs, l'écrase à plate couture. Alors l'autre personne qui pourrait avoir quelque chose à dire contre Dagobert, c'est Silchide. Cécile ne serait pas avare non plus de propos durs contre Dagobert. Il a toujours été menaçant avec elle. Il a toujours soupçonné Henrietta d'avoir une relation adultère avec son père, Clotaire II, alors que Clotaire II était marié à Bertrude. Silchide est, d'ailleurs, il faut savoir, la nourrice de Caribert. D'autres disent qu'Henrietta n'est pas la nourrice de Caribert, mais elle est carrément la mère de Caribert. En tout cas, on sait que Caribert n'est pas né dans le cadre du mariage. Il n'a jamais été d'ailleurs considéré comme le fils de Bertrude, mais en effet plutôt le fils de Silchide. Donc Dagobert est au courant. Alors Caribert, il faut savoir, est en plus le fils aîné. Il est né en 603, Dagobert est né en 605. Et Dagobert considère que c'est inadmissible qu'il se fasse supplanter dans ses prétentions royales par son frère aîné Caribert, né de cette gouvernante, de cette servante en réalité de roi Clotaire II. Donc il a bien fait reprocher ça à Silchide, il a été très menaçant avec la jeune femme de son père, et puis il a même fini par l'accuser, faussement peut-être avec des vrais éléments de preuve, cette malheureuse Silchide d'adultère, et quand on est adultère, une reine adultéresse, enfin adultère, est condamnée en général à la peine capitale. Et donc il est possible, mais on ne sait pas, que Clotaire ait mis à mort sa propre femme en appliquant les lois dures et cruelles de son pays. Alors, l'autre, évidemment, c'est qui pourrait vraiment avoir des choses à dire contre Dagobert, c'est Caribert. Caribert surnommé le simplet, parce qu'en effet, il était un esprit simple. C'était quelqu'un d'un peu ingénu, en fait profondément gentil, qui a essayé, d'ailleurs, après la mort de Clotaire II, de prendre le pouvoir, de devenir en réalité le seul roi du Regnum Francorum, aux dépens de son frère Dagobert, mais il n'avait ni les compétences, ni le charisme, ni les capacités. Alors, Dagobert, d'ailleurs, considère qu'en réalité, il faut tout de suite se débarrasser de Caribert dès la mort de son père Clotaire II, et tente de l'assassiner, puis se ravise, parce qu'il se dit quand même, il écoute les conseils de ses conseillers, qui lui disent de laisser Caribert exercer son rôle de roi dans le petit royaume d'Aquitaine que son père lui a légué avant sa mort. Et quant à Dagobert, de se replier sur évidemment l'Austrasie, la Neustrie et la Burgondie, sans l'Aquitaine. Donc ce qui fait que de 629 d'ailleurs à 632, Dagobert règne sur un royaume qui est assez considérable, sauf l'Aquitaine. Il y a donc deux royaumes francs, un royaume méridional et un grand royaume, finalement, plus grand, plus septentrional, et qui appartient à Dagobert. Mais évidemment, cette période où il y a deux royaumes mérovingiens, dans le grand Regnum Francorum, deux Teilreich, comme disent les mérovingiens, les francs, eh bien, se termine en 532, lorsque des partisans de Dagobert finissent par assassiner Caribert, et assassinent immédiatement dans la foulée Childebert, ce qui fait que la branche des Mérovingiens d'Aquitaine, branche illustre, s'arrête là. Malgré la légende d'ailleurs qui voudrait qu'un fils caché de Caribert soit l'ancêtre des rois d'Aragon, légende auxquelles ces rois espagnols sont très attachés. Alors les autres plaignants dans ce procès post-mortem pourraient être son maire du palais d'Austrasie, Pépin de Landen, ou Pépin le Vieux, et son conseiller politique austrasien Arnulf, les deux ancêtres de la lignée d'ailleurs carolingienne. En effet, lorsque Dagobert devient roi du royaume franc, sauf l'Aquitaine en 629, il remercie Pépin de Landen sèchement, en le remplaçant par Adelgisel, un neveu de la famille Pépinide. Donc il est de la même famille que Pépin de Landen, mais sans charisme, terne et pas visionnaire pour un sou. Quant à Arnulf, il le chasse de la cour en le faisant passer son départ pour une démission volontaire, sans indemnité, sans récompense, sinon une menace pour une menace de mort implicite. Donc voilà ce qu'il en est pour Dagobert. Son procès, son accusation publique n'est pas terminée. Nous le verrons dans le prochain podcast. Merci et à bientôt.